Sinon je dégaine sans faire exprès. Tu sais ce que je veux, c'est pas joli. Allô putain t'es où, chaud trois queuses. Ça fait là que des heures pour de la mmh, oh yeah. C'est comment chez toi là-bas. Y'a trop de faux cul ici. J'sais même pas pourquoi t'es là. J'irai en enfer à cause de ouais. Jacques a dit, m'a dit de les tuer. Jacques a dit, m'a dit de les rafler. Ouais un ami m'a dit de les tuer. Un ami m'a dit de les rafler. La mort ou tchè tchè papa. Tu veux ou tu veux papa. Laisse-moi te montrer papa. Laisse-moi ouais. C'est maintenant, c'est soir y'a pas de manière. Game over, c'est la loi, c'est important.